Des préaux, c'est-à-dire Boileau, s'élevait au niveau de tant de grands hommes, non point par ses premières satires, car les regards de la postérité ne s'arrêteront point sur les embarras de Paris et sur les noms des Cassaignes et des Cotins, mais il instruisait cette postérité par ses belles épîtres et surtout par son art poétique, où Corneille eût trouvé beaucoup à apprendre. La Fontaine, bien moins châtillée dans son style, bien moins correcte dans son langage, mais unique dans sa naïveté et dans les grâces qui lui sont propres, se mit, par les choses les plus simples, presque à côté de ces hommes sublimes. Tous ces grands hommes furent connus et protégés de Louis XIV, excepté La Fontaine. Son extrême simplicité, poussée jusqu'à l'oubli de soi-même, l'écartait d'une cour qu'il ne cherchait pas. Mais le duc de Bourgogne l'accueillit, et il reçut dans sa vieillesse quelques bienfaits de ce prince. Il était, malgré son génie, presque aussi simple que le héros de ses fables. On pourrait appliquer à La Fontaine son aimable fable des animaux malades de la peste, qui s'accusent de leurs fautes. On y pardonne tout aux lions, aux loups et aux ours, et un animal innocent est dévoué pour avoir mangé un peu d'herbe.